Donc, si vous voyez Mathilde Surineur dans les jours qui viennent, vous pourrez prévenir le premier agent de police que vous rencontrerez. Et je vous paierai des chenilles. Mais est-ce que nous le verrons si la police est à ses trousses? Si on organise des battues pour le retrouver, il va pas venir perdre son temps chez nous. Je te le dis, Jenny. Mackie n'est pas homme à perdre ses habitudes. Même si toute la ville est à ses trousses.